Raymond Poirier, comment ça va cette semaine? Ça va très bien, vous autres? Ça va très, très bien. Et là, si je me trompe pas, cette semaine, tu es ici pour nous faire un genre de top 10 des tendances à suivre en matière de technologie de l'information en 2014. Et oui, en fait, j'ai cru ouïr le fait que c'était la dernière intervention de l'année dans le contexte des mercredis. Évidemment, Shiz poursuit son existence et moi aussi, en route vers 2014. Mais je me suis dit que c'était peut-être un bon moment pour justement s'arrêter, essayer de voir qu'est-ce qui s'en vient. L'année prochaine, quels sont les sujets dont on risque de parler au fil des chroniques et qui risquent également de défrayer largement la manchette? Donc, il y a la firme Juniper Research qui, comme beaucoup d'autres firmes, essaie de faire un petit index. Je trouvais que leur proposition était assez intéressante. Alors, je me suis dit, on va s'en inspirer pour notre top 10 des technologies à surveiller pour 2014. Alors, premier élément dont on a parlé d'ailleurs ici... De temps à autre, les villes intelligentes. Donc, oui. On en entend déjà parler, mais selon Juniper, ben, on va en entendre encore plus parler. Donc, ville intelligente, petit rappel, c'est l'idée de bonifier les processus à l'intérieur des villes au niveau administratif, culturel, éducationnel, santé et autres. Oui. Donc, grâce aux technologies pour créer des villes qui sont peut-être un peu plus durables, un peu plus viables, plus efficientes, etc., etc. Donc, c'est déjà quelque chose qui est bien présent, mais reste qu'avec l'évolution des technologies, ben, les possibilités deviennent de plus en plus imposantes. Oui. Et donc, nécessairement, selon eux, c'est un thème dont on va continuer d'entendre parler. Okay. Donc, parce que les villes vont s'y intéresser de plus en plus et parce que les technologies vont amener d'autres villes à s'y intéresser. On imagine que les budgets des villes, finalement, vont de plus en plus inclure les nouvelles technologies. Question de s'adapter aussi aux nouvelles réalités à laquelle elles sont confrontées. Oui, ou même inversement, que les technologies vont être de plus en plus abordables. Ah, tout à fait. Mais plus elles sont utilisées, plus elles sont abordables. L'offre et la demande, comme à l'habitude. Tu veux aussi nous parler d'agriculture mobile et connectée. Oui, exactement. C'est un peu en pont, en fait, avec tous les systèmes qui appellent le M-Payment, le commerce électronique, le banking électronique, banking mobile. Donc, l'idée qu'avec ton téléphone, tu peux aller acheter des choses, donc gérer de l'argent, gérer des paiements, mais de manière pas nécessairement reliée à des banques. Donc, il y a cet élément-là qui existe déjà, des systèmes assez perfectionnés qui sont en place. Et ce que Juniper a remarqué, c'est que tranquillement, on voit l'utilisation de ce type de système-là dans d'autres domaines que les échanges économiques, et notamment l'idée des échanges agricoles. Et qui plus est, semble-t-il que ça devienne de plus en plus important en termes d'utilisation et que ça continuera de le devenir dans l'Afrique subsaharienne, dans l'Asie également. Donc, l'idée qu'on peut avoir avec une application, donc plein de ressources pour acheter, pour déployer, pour échanger, pour commander en gros, donc des outils, des éléments ou pour vendre des éléments. Donc, ça semble beaucoup séduire et ça risque d'amener peut-être en fait d'autres type de développement d'outils liés à l'agriculture mobile, donc au paiement, à gestion des stocks, à la gestion des champs, etc., etc. Et d'ailleurs, si on veut se pencher sur l'international quelques instants, à ce sujet, il y a le roi Mohamed VI au Maroc qui a annoncé de gros investissements en la matière la semaine dernière. Troisièmement, tu veux nous parler aussi des vêtements et accessoires intelligents, bien entendu. Oui, ça, c'est la prochaine étape, si on peut dire. Donc, on est en train beaucoup, et on va y revenir dans d'autres éléments du top 10, sur comment porter la technologie. Et tranquillement, avec Google Glasses, c'est un peu la première étape pour donc des écrans portables, pour développer un peu cette idée de ne plus avoir à tenir la technologie dans la main. Donc, on a éventuellement les lunettes. Peut-être qu'on développe aussi beaucoup du côté des textiles intelligents. Donc, d'avoir des vêtements qui peuvent générer de l'information, qui peuvent aller chercher de l'information, qui peuvent servir de sources énergétiques pour des ordinateurs, etc., etc. Donc, tranquillement, la technologie risque de plus en plus de se porter. Oui. Quatrièmement, les tablettes tactiles en éducation. Est-ce que là, on se lance là-dedans pour vrai? Là? Bien, en fait, dans certaines zones, dans certains programmes, dans certaines régions, ils sont déjà lancés pour vrai. Mm-hmm. Et ça risque, en fait, selon Juniper, de faire un peu la même chose que pour les téléphones mobiles en entreprise. Ouais. Donc, on a vu beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas nécessairement intégré dans leur plan de match, on peut dire, autant que dans leur plan de sécurité, le fait qu'ils allaient devoir délocaliser leur service. Mais à force de temps, les employés arrivaient avec leurs appareils électroniques, ont commencé eux-mêmes à essayer de les intégrer. Éventuellement, les entreprises ont suivi et ça a amené un peu le principe du « bring your own device ». On le voit évidemment en éducation. De plus en plus de réflexions sont menées pour voir de quelle manière intégrer ces outils-là. Et là, ce qu'on dit, c'est regarder la tendance à les repas en se diminuant. Bien au contraire, il y a de plus en plus d'étudiants qui ont des tablettes tactiles. Il y a de plus en plus d'outils et d'usages qui peuvent être développés liés aux tablettes tactiles. Donc, ça risque d'être l'année où on va voir peut-être un effort un peu plus concerté dans l'intégration de ces outils-là dans les systèmes éducatifs. Autre tendance à suivre, bien entendu, le M-Fitness. Et là, on fait le point avec les objets, les vêtements intelligents. Donc, l'idée, c'est de porter des petits appareils. Et dans le M-Fitness, eh bien, c'est peut-être le moment où on a le plus besoin des données qui peuvent être retirées de ce type d'outils-là. Donc, l'idée qu'on porte, par exemple, un petit élément qui va comptabiliser les calories consommées, qui va comptabiliser les pas, qui va comptabiliser le rythme cardiaque, qui va faire un bilan de santé presque. Et donc, tranquillement, ce qu'on dit, c'est que ce qu'on appelle l'Internet des objets, donc l'idée du chemin de tous les objets connectés, ce qu'on appelle évidemment aussi tout ce qui est vêtements intelligents, ben, risque de faire son entrée dans la conscience collective à travers le M-Fitness. Donc, en disant, ben voilà l'usage le plus pratico-pratique, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui vont peut-être l'utiliser. Ça veut dire qu'on va développer ensuite de nouveaux usages en lien avec cette utilisation-là. Comme combiner un peu des vêtements avec une espèce de montre polaire ou une montre GPS, par exemple? Oui, ou une montre qui prend tes battements cardiaques et le reste, et là, subitement, en fait, qui va faire le pont directement avec, par exemple, ton site web personnel sur lequel tu vas enregistrer ta fréquence cardiaque. Tu vas pouvoir suivre tes tendances. Tu vas pouvoir avoir des graphiques en temps réel avec, justement, les calories que tu as consommées. Tu vas peut-être même pouvoir t'abonner à des réseaux qui vont permettre de comparer avec des gens qui ont le même groupe d'âge, la même forme physique que toi, les calories qu'eux consomment, leur rythme cardiaque, etc., pour voir si tu es au-dessus ou en dessous des tendances. Ah, ouais. Ça va quand même assez loin. C'est intéressant, Il y a aussi de plus en plus de clientèle pour le 4G. Oui, le 4G, en fait, qui va continuer de se développer. Pour l'instant, on est encore pour beaucoup dans le 3G. Donc, le 4G, ce qu'on dit, c'est que 2014, ça risque d'être l'année où on va voir un changement de paradigme vers, justement, cette nouvelle connexion-là, parce qu'il y a de plus en plus de données qu'on doit transiger. Donc, il faut avoir des connexions plus rapides. Et même, ce qu'on dit, c'est que le 5G est en développement. Oh, déjà? Déjà. Ça va vite. Aussi, on veut parler de technologie mobile et de services géolocalisés. Oui, mais en fait, c'est le grand usage. En fait, tout le monde a un téléphone intelligent. Beaucoup de gens ont un téléphone intelligent. Beaucoup de gens s'en servent en se promenant, en marchant, en se déplaçant. Et tranquillement, ce qu'on remarque, c'est que les services qui sont en mesure d'ajouter une plus-value liée à l'endroit où l'usager se trouve, percent peut-être un peu plus, sont peut-être un peu plus utilisés. Et donc, de plus en plus, ce qu'on va voir, c'est l'idée justement d'intégrer des paramètres qui vont être liés à l'endroit où on se trouve. Donc, exemple, peut-être que si je suis sur Facebook et que je suis dans le centre-ville de Québec, mais peut-être que dans mon fil, on va afficher peut-être un peu plus de gens qui sont au même endroit que moi. Peut-être que éventuellement, on va faire des offres commerciales directement en lien avec l'endroit où je suis, donc dans une publicité ciblée, mais avec encore un peu plus d'éléments ciblés, donc en termes du lieu, de l'endroit, du moment, etc., etc. Toujours très intéressant. Bien sûr, en huitième position, on peut pas passer à côté les nouvelles consoles de jeux PlayStation 4 et Xbox One. En fait, Juniper Research va même un pas au-delà de ça en disant qu'on risque de voir se développer au fil de 2014 des nouveaux systèmes de jeux qui seraient pas, dans le fond, des compétiteurs du Xbox ou de la PlayStation 4, mais qui seraient carrément autre chose. Et il donne l'exemple, en fait, sur Android. Donc, un outil qui s'appelle Ouya, une micro-console de jeu qui a été financée avec un projet Kickstarter. Ils ont eu 904% de plus que ce qu'ils avaient demandé en termes de financement. Et donc, ils partent du principe que tout le monde a des appareils électroniques au bout du compte, que ces appareils électroniques-là ont du stockage, que ces appareils électroniques-là peuvent voir des micro-consoles se développer pour leur support. Et donc, on va créer peut-être un autre marché qui ne sera pas les jeux Facebook ou les jeux mobiles, qui ne sera pas les jeux traditionnels, mais qui serait comme un système de jeu à l'intérieur. Donc, on réinventerait un peu le style de console de jeu. Oui, on ajouterait un autre type de console qui serait adapté pour les téléphones intelligents, mais qui ne serait pas les applications. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Aussi, on veut parler d'infos nuagiques privées. Oui, mais en fait, c'est de plus en plus, on entend parler de l'info nuagique, donc l'idée qu'on peut stocker ces informations de manière dématérialisée. Donc, on n'a plus nécessairement besoin d'avoir un ordinateur. On stocke dans le cloud, donc dans le nuage. Voilà. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation de ça, donc dans une perspective d'entreprise. Les entreprises y sont beaucoup pour différentes raisons. Et que là, tranquillement, ils risquent d'avoir un développement accentué, une promotion accentuée pour aller chercher les usagers, les individus, pour leur dire, justement, vous n'avez plus nécessairement besoin d'avoir un disque dur externe. Ouais. Abonnez-vous à un service de cloud. Et que c'est aussi sécurisé, aussi fiable, etc., etc. Donc, ça risque d'être... Ça reste à... Les gens restent à convaincre à ce niveau-là, par exemple. Oui, mais en fait, avec des petits scandales qui suscitent toujours un peu de points d'interrogation. Surtout que la NSA regarde jamais rien chez aucun citoyen. Et dernièrement, bien entendu, la grosse arrivée en 2013, c'était l'impression 3D. En 2014, on va pouvoir voir voir son potentiel, finalement. Ben, peut-être de plus en plus. En fait, on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est que plus il y a de la demande, plus les prix vont baisser. Pour l'instant, l'impression 3D, ça reste encore quelque chose d'assez onéreux. Oui. Donc, c'est surtout des entreprises, des organisations qui réussissaient à s'en procurer. Et donc là, ce qui risque d'arriver, ce qu'on prévoit pour 2014 et probablement au-delà, c'est de développer des modèles qui seraient plus adaptés au montant dont les individus seraient prêts à investir pour aller se les procurer. Mm-hmm. Et évidemment, une fois qu'on a développé l'outil, dans le fond, dans une perspective plus abordable, eh bien là, il y a une multiplicité d'usages qui serait évidemment envisageable en lien avec l'impression 3D. Et là, attendez-vous à ce que les gouvernements viennent réglementer cette impression 3D-là plus rapidement qu'autrement, pour la simple et bonne raison que ça va avoir un effet monstre sur tout ce qui est manufacturier. Et tout ce qui est droit d'auteur et le reste. Exactement. On ouvre une belle boîte de Pandore. Ah oui, une méchante boîte de Pandore. Raymond Poirier, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? @itis_ul, sinon, donc itis.ulaval.ca. Excellent. On se voit en 2014. Bon début d'année, M. Poirier. Merci et bonne année à vous aussi.